désormais. Élection du conseil d'administration des membres du bureau. Confirmation du bureau actuel, ou est-ce qu'il y a d'autres membres du bureau? On va parler aussi des vice-présidents, parce qu'on en avait parlé au webinaire de lancement. Et puis également la constitution d'un comité scientifique. Et puis on terminera par envisager ensemble les prochaines actions pour 2019. Donc on compte sur votre participation, hein. Ce n'est pas une présentation, je ne fais pas le tout beau. Alors, action 2018, alors à part EPIC 2018, est-ce qu'on a fait quelque chose d'autre? Le site internet, absolument, il y a un site internet. On a organisé un premier webinaire, en effet. On devait en faire un autre, mais bon, on a été un petit peu pris. On a communiqué, on a pas mal communiqué. Donc voilà ce qu'on a fait en 2018. Donc on a commencé EPIC. Point sur les membres, s'il n'y a pas d'autres choses à rajouter. Oui. Je voudrais, même si on a créé reconnaître donc en novembre, on est beaucoup d'acteurs au territoire se reconnaissant de reconnaître. C'est-à-dire que quand on a créé le plateau du Centre Val-de-Loire, on a pris, j'allais dire, l'égide de reconnaître avec 8 acteurs pour présenter notre démarche. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que quand on a un acteur local et on dit bah, on va se lancer sur les bâches, sur un grand projet, etc., on nous voit comme on nous voyait la semaine d'avant. À partir du moment où on se met dans un réseau qui est beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert, et qui est censé, dans les mois qui viennent, aussi apporter une aide, un accompagnement technique, des solutions mutualisées, et ben, le regard change. Donc, je trouve que c'est pertinent, même déjà à ce jour. Et si on ne peut pas en faire un rapport d'activité de 15 pages, la démarche de se présenter sur cette application qu'on a créée tous ensemble, eh bien, comment ça fonctionnait et entendu. Bah, je voulais quand même le dire, parce que c'est des signes encourageants. D'accord, merci. Quelqu'un peut prendre des notes en même temps. Vous avez accès à ceux qui sont sur Lumio. Vous avez accès aux liens. La rubrique Assemblée générale, c'est le lien vers ce document en ligne. Point sur les membres. D'après les informations dont je dispose, il y a une vingtaine de membres aujourd'hui, essentiellement des associations. La question qu'on peut se poser, c'est donc, c'est comment on pourrait, c'est en lien avec les actions à venir, comment est-ce qu'on peut communiquer pour augmenter les adhésions à reconnaître? Parce que ces adhésions, elles nous ont permis de financer une grande partie, enfin, une partie des PIC, hein, par exemple. Et donc, le rôle du financement de cette association est important, c'est aussi pour ça qu'on l'a créée, pour pouvoir collecter des fonds pour financer nos actions. Donc aujourd'hui, une vingtaine de membres. Comment est-ce que vous imaginez qu'on puisse travailler ensemble pour augmenter ce nombre d'adhésions qui sont à la salle? Est-ce qu'un établissement peut être membre? Absolument, un établissement peut être membre. Je cherchais quelque part des onglets là-dessus sur un Mac. Les pommes de On appelle aussi. Moi, j'ai une question. Je vois pas le profil. Oui, Bénédicte. Moi, je suis pas un membre de l'association. Et je voudrais un peu qu'on me rappelle le point d'adhésion de l'équipe. Parce que j'avoue que j'étais là au début, à la première rencontre. Je suis venue hier, mais depuis, je suis. Et avec une vraie question, nous, on est beaucoup d'expérimentation universitaire. Bien entendu, mon établissement adhère. Pour faire adhérer mon établissement et valider complètement la démarche, au stade de l'expérimentation, j'aimerais bien savoir quelles sont les solutions pour qu'un établissement ou un agent de cet établissement puisse s'engager dans l'assaut et puis que cette adhésion au projet et à la démarche puisse évoluer dans le temps. Est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées à Alors, dans les statuts, on avait dit que l'adhésion, elle était ouverte à tous, hein, personne physique, personne morale. Mais on s'est quand même posé la question de qui validait une demande d'adhésion si jamais une organisation qui peut-être ne partageait pas nos valeurs était candidate. Et il ne semble pas qu'on ait répondu à cette question. En tout cas, n'importe qui peut adhérer. Il suffit de demander et remplir un formulaire aujourd'hui sur le site web. On a la vision, nom, email, adresse, organisation, site web, comment vous avez connu l'association. Et puis, suivant la taille de l'établissement, il y a un tarif. Aujourd'hui, qu'on a proposé, hein, mais dont on pourrait aussi discuter, si vous pensez que les tarifs ne sont pas adaptés, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait discuter. Il est impossible pour moi aujourd'hui de demander à mon établissement un investissement comme celui qu'on attend ici. Non, et celui Pierre, il a dit oui pour la commune, mais il ne va pas dire oui pour l'université de Tours, c'est tout, c'est pas lui qui va dire oui. C'est pas le DGS. Donc l'équipe présidentielle ne va pas s'engager comme ça sur un abonnement de ce montant-là. Sur la seule bonne foi, et il faut que je fasse les preuves. C'est ce que je voulais dire, en expliquant que à terme, peut-être que l'établissement, et je le souhaite de tout cœur, adhérera à cette démarche et soutiendra au niveau où vous l'attendez. Pour autant, aujourd'hui, moi, je ne peux pas demander ça. Donc, ou bien je ne fais pas adhérer mon établissement, ou bien on prévoit quelque chose pour qu'un établissement comme le mien puisse soutenir un début de démarche et s'acculturer comme ça à ce projet. Juste un mot pour compléter. C'est vrai que c'est quand même un coup, mais il a fallu qu'on fasse voter au CA, mais comment rentrer dans un pilotage pour plusieurs établissements, c'est peut-être ça aussi, du coup le coût est intéressant. Après nous, au niveau du réseau, de notre réseau. Alors, l'une des questions que j'avais posées à Serge, c'était est-ce que les gens qui participent, qui rentrent dans notre réseau, pourraient avoir un tarif préférentiel pour reconnaître? C'est-à-dire qu'en fait, en passant par nous, et là, on voit bien les ramifications qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que du coup, ils ont un accès à reconnaître. Ça, c'est l'une des propositions. Mais nous, pour notre réseau, par exemple, on a différents tarifs, on ne sait pas encore validé, on est en train de travailler là-dessus, de services qui correspondent aussi à l'engagement des établissements. C'est-à-dire si un collège qui n'a pas de moyens, mais 20 euros, il peut avoir les newsletters, des choses comme ça. Si quelqu'un, un autre établissement en met un peu plus, du coup, il peut venir aux formations. On a essayé d'avoir quelque chose qui fait qu'on peut être membre, avoir quelques infos, se sentir en faisant partie de la communauté, mais pas nécessairement, parce que ça dépend du budget et de l'engagement dans lequel on est sur les badges, aller jusqu'au bout, parce qu'il faut être capable, effectivement, de le faire voter. Et donc, il faut que le CA voit l'intérêt. Donc, je participe à d'autres réseaux pour d'autres activités. Et une des solutions qu'on avait trouvées à l'époque, c'était d'avoir un soutien institutionnel, enfin de proposer une adhésion institutionnelle, mais aussi une adhésion physique à des agents de l'établissement qui commençaient à travailler. Et puis, à partir du moment où ils ont pu faire reconnaître. Dans l'établissement, l'intérêt de l'expertise du réseau et l'évolution des problématiques. Et tout, voilà. Là, les établissements se sont engagés, plus adhérés sur le plan institutionnel. Donc, du coup, il y avait des tarifs extrêmement peu chers pour que des personnes des établissements puissent s'engager, puissent soutenir. Et à la hauteur. Voilà une très bonne idée. Donc, un tarif faciliterait l'adhésion aux individus, ce n'est pas bloquant. En tout cas, depuis quelques minutes, nous avons un nouveau membre dans l'association Reconnaître, que je remercie. Il vient de s'inscrire. Oui. Je ne dévoile pas ses données personnelles, il se dénoncera le mieux. Bonjour. Non, ce n'était pas pour me présenter, c'était en fait une expérience d'une autre association où on est nous-mêmes amenés à intégrer des établissements, des acteurs académiques. Et on a fait une formule, en effet, établissement, une formule département. Ce qui est en effet un intermédiaire qui est plus accessible pour justement des responsables de département qui voudraient s'impliquer, même si toute l'université ne s'implique pas. C'est quel montant de mémoire, c'était 500 euros pour le département, je pense. Et alors, pour nous, pour moi, mon réseau qui s'est constitué quand même, pour le redire, c'est un peu, c'est un réseau qui est vraiment d'expertise, de formation, d'accompagnement, de lobbying. Enfin, je veux dire, donc, vraiment quelque chose qui est proche par rapport à ce que vous faites ici, enfin, ce que vous faites ici. Et les adhésions individuelles sont bien en deçà. Hein. Elles sont de l'ordre d'aujourd'hui, je crois, de 25 euros, 30 euros par personne. D'accord. C'est une petite joie, mais c'est la pour vous. Alors, ouais. Bon. Non, mais vas-y, après, il y aura. L'expérience, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne, qui fonctionne. Reste le drone, elle peut être fonctionnée si jamais il y a déjà des choses dans des formules. Et aujourd'hui, je pense que cette réflexion-là, tant qu'il n'y a pas de formule, imaginez différentes formules, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'effectivement, la question que se poser, c'est de faciliter un système d'adhésion. Et la première chose à faire avant de faciliter une méthode d'adhésion, c'est de dire c'est quoi la formule de base pour l'adhérent. Et après, de penser quelque chose. Tant qu'il n'y a pas de formule, pensez différentes formules. Pas forcément le prix, mais je pense que la première chose, voilà, c'est vraiment théorique, et là, l'éventail est possible, est énorme, effectivement. Enfin, l'individuel, le tarif et autres. Mais c'est quoi l'offre de service à partir du moment où on est adhérent, qu'est-ce que ça vaut? Parce que c'est juste de dire qu'on peut s'en réclamer, parce que là, on peut s'en réclamer, c'est temps. Un peu moins, mais. Il y avait Gaël qui souhaitait intervenir. Ah, ouais, non, c'était pour dire à peu près la même chose et rajouter que si les membres sont à la fois des individus, des établissements, des associations, des groupes, etc., très vite il va falloir créer différents collèges. J'ai dit aussi une question sur les formules, donc c'est peut-être un peu prématuré, mais c'est quelque chose avec lequel on peut tenter. Mais il y a deux collèges, trois, oui, avec les fondateurs. Yeah. On avait déjà deux collèges individuels. Oui, je ne sais pas présenter Denis Pensuet, de la Fondation de Génération. Pour moi, il y a deux démarches fondamentales. C'est est-ce que les gens adhèrent par soutien d'un mouvement ou est-ce qu'ils adhèrent pour obtenir des services? Si c'est du soutien, c'est clair que là, c'est plutôt du 20 euros parce que quand on est déjà adhérent dans X association, c'est difficile d'accumuler des 50 euros, ça suit trop vite. Mais si en revanche on attend des services, là pour le coup, on est sur un palier plus haut. Tout dépend de l'objectif. Les deux sont compatibles d'ailleurs. Mais si par exemple l'objectif initial de l'association, c'est en effet c'est de faire reconnaître le mouvement que vous défendez. Dans ce cas-là, déjà, par rapport aux institutions, c'est minimum 200 adhérents pour être éligibles à beaucoup de choses, ne serait-ce que la déclaration d'utilité publique dans quelques temps. Donc, il y a une échelle à 200 qui est quand même indispensable pour être crédible. Dans ce cas-là, il vaut mieux peut-être viser 20 euros pour atteindre ces 200 adhérents. On ne va pas résoudre ce soir, mais on note, c'est-à-dire qu'on peut mettre un groupe de travail pour réfléchir à faire des propositions. C'est vrai qu'on avait défini quelque chose, c'était au départ, parce que c'était pas ce qu'on ça a été revu de façon critique, ça a été vu, on s'est dit, bon, allez, on avance, on va créer la situation, puis on va faire un peu de rapport pour voir ce qu'on a fait. Mais par exemple, ta conférence, c'est un service. C'est vrai que là, c'est organisé de façon très volontaire pour que les personnes sont disponibles. Ce sera pas toujours possible de faire ça, surtout si on veut que la conférence puisse avoir une configuration. Pardon ? Ce n'est pas gratuit, mais pour les participants, mais on ne gagne pas d'argent dessus. Bien que les locaux ne soient offerts par le CERI, il faudrait que ça soit cher à quelque chose. Eh bien, on va faire un compte financier. Alors, les comptes financiers. Je vais aller voir le trésorier. Émilie, excuse-moi, juste, je voulais juste finir sur ce truc-là. Je veux dire que, certes, on ne va pas régler le problème ce soir, mais il faut quand même qu'on parte avec un état d'esprit. Et je pense qu'il y a une petite confusion quand même dans notre démarche, c'est-à-dire qu'on compte beaucoup sur les cotisations pour financer l'activité, alors que globalement, dans les associations maintenant, on fait des cotisations faibles, très faibles, histoire d'avoir de nombreux membres et d'avoir un soutien important. Et l'argent pour les activités se trouve ailleurs. Et je pense qu'on est encore dans l'entre-deux. On imagine que le système de cotisation va financer quelque chose, mais on n'y arrivera pas, parce qu'on va bloquer du coup des grandes organisations comme l'université, des ligues, des Greta, des CNAM, des gens comme ça, qui ne vont pas mettre 1 500 € du premier coup, mais par contre, qui peuvent avoir des effets leviers très forts sur nos activités par la suite. Et je pense que c'est une direction qu'il faut... Enfin, c'est une des hypothèses. Mais l'hypothèse que je ferais, c'est... Moi, je mettrais un plafond très fort à 100 ou 150 €. Mais par contre, un engagement plus fort des banques pour ensuite lever des fonds pour les actions. Voilà, moi, c'est ma position. Et... Oui, Monsieur Pierre, c'est Maxime. Grégory, l'accepte. Je rejoins un peu la dynamique, je pense qu'il faut travailler sur la notion de, alors pas de cotisation, mais d'adhésion. Les cotisations, on est sur les activités, l'adhésion, on est sur la dimension du projet. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille sur la notion d'adhésion, soit on adhère en termes de soutien. Donc du coup, je te rejoins sur cette dynamique-là, où on a une adhésion pour structure, etc., 150 € et on soutient le projet. Et donc du coup, on adhère là, et on peut travailler sur des adhésions avec actives. C'est-à-dire qu'entre membres acteurs actifs, donc du coup, on peut élever un tout petit peu cette adhésion sur les structures qui sont impliquées fortement dans la dimension. Et après, travailler sur cette notion de cotisation, ou en tout cas sur des domaines, des participations en fonction des activités proposées par reconnaître. Je pense que cette dimension-là, elle est importante et je pense qu'il faut trouver le bon levier pour que des structures importantes, institutions, départements, régions, etc., puissent soutenir la démarche de projet, donc du coup, sans partir dans des enjeux extrêmement importants, et après travailler sur d'autres de soutien. Parce que du coup, on peut aussi solliciter des structures comme l'université, elles sont, d'avoir des soutiens financiers sur le fonctionnement de l'association, plutôt que d'adhérer aussi. Ça peut être aussi ça en termes d'accéder aussi à des financements importants pour maintenir et soutenir des projets. Merci. En termes de besoins de financement, si je prends par exemple le projet européen, c'est 450 € qui est obtenu par le projet Erasmus, ça permet de financer les activités de projet. Donc, si on veut monter des projets, je pense que nous, 450 €, c'est beaucoup. Mais quand on regarde sur le projet européen, 450 €, il n'y a pas beaucoup de choses stables. Je pense qu'avec moi, on pourrait faire plus. Ça, c'est une autre question du projet européen. Mais si on veut monter des projets, il faut qu'on puisse libérer du temps des personnes, des structures, pour qu'elles puissent participer au projet. Alors, ça peut être aussi des apports en nature, on peut imaginer des choses différentes. Mais je suis assez d'accord avec la différence entre cotisation et adhésion. C'est intéressant. Mais moi, je suis toujours pour éliminer toutes les barrières possibles. Donc, il y a des gens qui veulent adhérer parce que c'est le soutenir, il faut quand même les marquer à l'humain. Vas-y. Non, je reprends la parole, parce que la posture des universités est particulière. Par rapport à la démarche, je ne vais pas lancer le débat qu'on a dans ces journées, mais par rapport à la démarche générale, c'est des institutions extrêmement formelles. Commencer à produire, à aborder la question de la reconnaissance ouverte dans des établissements comme ça, c'est quand même se confronter à des craintes énormes et... il y a tout un travail de fond pour rassurer les différents stakeholders là-dedans qui est énorme et qui va prendre du temps. Un projet comme celui-là, moi j'en ai déjà monté d'autres dans cet établissement, c'est minimum 5 ans, voire 10 ans pour être rentré dans les mœurs. Donc ce que je vous dis là, c'est vraiment c'est l'expérience qui parle. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que sur des établissements comme cela dont on a besoin, parce que je m'en rends bien compte, mais quand on parle de Badjon Centre et qu'on dit que l'université est dans la boucle, et bien tout de suite, les collectivités regardent un petit peu autrement. Pour autant, l'établissement ne va pas aujourd'hui s'engager à hauteur de ce que vous demandez parce qu'il n'y a pas une adhésion de l'ensemble de la communauté à ça. Voilà. Merci. Comme on est un petit peu pris par le temps, à quelle heure on a rendez-vous? 7 heures, ça ferme ici. On a rendez-vous pour un coup. 19h30 au Café Ray. 19h30. Du coup, il y avait un petit mot sur les comptes financiers. Alors, sur les comptes, vous avez compris, hein, l'essentiel des mouvements financiers va se lier à l'organisation des PIC. Okay. Donc, sur le budget prévisionnel des PIC, on est sur un budget entre 35 et 40 000 euros, avec des postes de dépenses. Alors, le plus gros poste de dépenses, c'est sur des frais d'inscription. On a été calibré à 20 000 pour l'instant. Et puis pour la traduction, les traducteurs, l'allocation de matériel, donc on a 7 000 euros. Donc en charge, l'ensemble des charges, on est à peu près à 36 000 euros. Donc il devrait être, être couvert par les inscriptions et puis l'inscription éthique, plus le 10 000. Voilà. Et donc sur le bilan financier, on est à environ 4 000 euros d'adhésion. 20 adhérents, mais on n'a pas encore récupéré toutes les cotisations. Merci. Merci à des... Peut-être on pourra mettre à disposition le document. Alors ensuite, là c'est un petit peu technique, j'avoue que je ne suis pas très bon là-dessus. On parle d'élection du conseil d'administration et ensuite donc d'élection ou désignation des membres du bureau. La question à traiter ici, c'était donc de regarder par rapport au statut combien de membres a été composé le conseil d'administration. Et là, normalement, je dois switcher sur les statuts, mais je ne sais pas le faire sur un Mac. Je contrôlerai. Bien sur les statuts. Et la question des membres du bureau, donc on avait dit à l'Assemblée constitutive du 15 février que c'était un bureau qui était temporaire, qui est aujourd'hui composé de Serge Arlet, président, de Émilie Lenet, trésorière, et Philippe Tuteux, donc moi-même, secrétaire général. Et donc la question à laquelle on a tenté de répondre, c'est est-ce qu'on confirme ce bureau? Est-ce qu'on augmente la taille de ce bureau? Comment on fait en fait? Moi, c'est ma première association. D'abord, lire les conseils. D'abord, le CLS. C'est une question de façon. La question générale peut déterminer le nombre de membres. Oui, au travers de ces points, c'est des statuts. Parce que dans les statuts, il y a décidé le nombre de membres. Oui. Maximum 12, on a dit maximum 12. C'est l'administration qui détermine. Après, il peut y avoir 25 coprésidents. Voilà. D'accord, bon, les vice-présidents, c'est le conseil d'administration. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va procéder au vote du conseil d'administration? Donc, élu pour 3 ans, chaque collège élit 4 représentants. Donc, si on retrouve les collèges, ils sont un petit peu plus haut. Il y a les fondateurs. On a donc, le collège et fondateur, le collège organisationnel et les collèges individuels. C'est comme ça qu'on l'a écrit. 4 membres, chacun peut non, maximum. Maxi 4 membres, chacun. Ça, c'est le conseil d'administration. Oui. C'est ça. Donc, c'est l'administration, c'est tout. D'accord. Ah oui, non, non. Du coup, il doit y avoir un 4 personnes ou 5 personnes. Oui. Il y a un bureau qui avait été dans les statuts initiaux. Et là, on a un conseil d'administration. On a l'Assemblée générale quelques mois après. Mais est-ce que les membres du conseil d'administration, est-ce qu'on peut les lister et puis poser une question ouverte? Est-ce qu'ils sont renouvelables et souhaitent rester? Est-ce qu'il reste encore des places? Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on a la liste? Bah, la liste des membres du conseil, c'est la trésorière, Émilie, il y a le secrétaire général, Philippe, il y a le président. Voilà, bon, donc, il n'y a pas de transitoire. C'était dans les statuts, c'était pour déposer les statuts, ça veut dire qu'on est un bureau. Voilà. Donc, par défaut, on est conseil d'administration. Oui, par défaut. Par défaut. Le bureau, conseil d'administration. Et donc, là, la question, c'est est-ce que les membres. On voit les faits par collège. Est-ce qu'il y a le collège 1 qui était des membres fondateurs? Est-ce qu'il y a des membres fondateurs qui sont dans la salle là? Oui, est-ce qu'il y a des membres fondateurs dans la salle? Oui, on vient de créer. Est-ce que parmi ces mains levées, est-ce qu'il est mal levé? Est-ce que parmi ces mains levées, certains souhaitent entrer dans le conseil d'administration? Donc là, on est 5. Christophe. Donc, 5, ça veut dire qu'il y en a un entre Omar, Mathieu. Oui, non. J'ai juste une question, c'est que là, si le CA c'est 12 membres maximum, normalement le bureau c'est à format restreint du CA parce qu'il y a énormément de membres du CA. Donc, du coup, on a déjà un CA restreint. Comment on articule le fonctionnement à terme du CA et du CA? Non, on est en train de lire le CA. Oui, tout à fait, mais le CA à 12, et comment on justifie la présence d'un bureau? Le bureau, c'est partie du CA. Oui, ce sont les membres du conseil d'administration qui choisissent. Et il ne sera pas de 12. Ce n'est pas forcément un initial. Ouais. Hein? Un bureau, c'est 9 personnes. Non. Ouais, en fait, c'est vrai que dans l'espace qu'on a, le CA généralement est plus élargi, il y a plus de membres, et le bureau justement est restreint entre 10 personnes, 6 à 10 personnes. Donc, on peut avoir des CA effectivement de 20 personnes qui a une vision plus stratégique. Là, ça veut dire qu'il faut modifier les statuts. Oui, voilà, après, ça faut. Moi, ce que je propose, c'est d'y aller étape par étape. C'est-à-dire qu'on élit les membres du conseil d'administration et on essaie d'arriver à 12, ce soit avec le plus, si c'est possible. On renouvelle le bureau si on ne peut pas, sur un format restreint, qui semble confiné de 3 à 5. Et on prévoit à la prochaine Assemblée générale, c'est-à-dire est-ce qu'on a vocation à avoir une visée stratégique plus large et on programme une évolution du statut sans vraiment. À définir, on va programmer. Oui, comme ça laisse un peu de temps au temps. Oui, dans une transition. Ça laisse un peu de temps au temps, mais au moins d'être carré, statutairement, parce qu'il faut quand même prévenir, préparer le terrain, etc. Donc on peut faire en deux temps, je pense, saisir nous-mêmes ce soir. Avec des mains. Et puis préparer le soir. Alors j'avais 5 noms normalement. Christophe, Ferme d'Avenir, Mathieu Ligue, Laure, APP, François Ledôme. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y a vous en tant que membre du bureau qui êtes. Accède. Ah oui, c'est sûr que les candidats. Après, il faut regarder quelle est la stratégie en fonction des collèges qui vont être représentés. Il peut y aller d'autres collèges. Est-ce que c'est en individu ou en institution qui présente? Moi, j'étais membre fondateur. Oui, mais du coup, en fonction des autres collèges, on fait des. Là, je ne suis pas très au fait de ces choses-là, donc je suis pas démontré. En gros, là, les membres fondateurs, c'est mon fondateur. Eux, ils se présentent. Regardons le deuxième collège qui était. C'est... Notre question, c'est qu'on peut être présent en deux collèges. Ah oui. C'est pas marqué, c'est pas possible. Ouais, mais moi, par défaut, j'ai envie de dire oui. On peut rappeler les deux autres collèges, juste le collège. Le collège individuel et organisationnel. Voilà. Organisation, c'est les étudiants. Par exemple, les structures individuelles. Voilà. Le DOM, par exemple, c'est une organisation, mais qui est fondateur. Donc, oui, l'ACTAD aussi, c'est une organisation qui est fondateur. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder qu'est-ce qui est le plus judicieux si on voit qu'il y a des fondateurs qui sont plutôt individuels, etc., du moins dans ce collège-là, et qu'on, si dans l'institution organisationnelle, on se positionne dans l'autre collège. C'est pas très grave. C'est juste pour qu'on puisse avoir un reste communiquant. Donc, s'il n'y a que deux personnes dans le collège réactionnel et qu'on est 12 dans les fondateurs, c'est dommage. Dommage, parce que du coup, il ne peut pas y avoir 4 personnes dans les organisationnels. Voilà. Les statuts précises des collèges. Je vous le dis, les collèges. Oui, regarde. Il y a les fondateurs, ensuite les parapluies qui arrivent au fur et à mesure, qui peuvent être inscrits là-dedans, les individuels. Oui, mais c'est là que je pourrais lire le truc, c'est-à-dire que là où on n'est pas assez nombreux, comme sur les fondateurs, on est quand même aussi les organisations. Donc c'est juste vérifier sur le collège organisationnel, il y a d'autres personnes, d'autres structures qui se positionnent là, AXAD. Donc, s'il n'y a pas là, on va se décaler, nous, sur le... Bon, sur grosso modo, c'est... OK. Quelles sont les autres organisations qui sont membres, là, levez la main. Est-ce qu'il y en a qui veulent se présenter? Donc, il faut rater pour ça. Oui, mais il faut le refaire, en fait. Il faut le refaire. Pourtant, Isabelle, Isabelle, il faut la triste. Ouais. Et toi, il faut la triste, non? Oui, c'est pas moi. C'est des membres fondateurs, non? La liste des membres fondateurs, est-ce que c'est celle qu'on a transmise à la préfecture? Oui, on a dit qu'on pouvait la... On pouvait l'augmenter. On pouvait l'augmenter. On pouvait coopter les membres fondateurs. D'accord. Il n'y a pas besoin de coopter encore. On va changer de fondateur. Il y a trop de fondateurs. Alors, il faut qu'on avance. Donc, en organisationnel. En organisationnel non fondateur. Non fondateur. L'université de Caen. Vous étiez participé au côté de l'administration. Oui, mais vous étiez. Oui, mais on a dit qu'on vous récupérait. Dans les fondateurs. Les fondateurs. Ouais. Non, vous étiez fondateur. D'accord. On met la commu aussi. Le CRI, vous voulez se positionner, le CRI ou pas? Non, non, pas du tout. En individuel. La Philippe, t'es individuel. Voilà, je suis individuel. Mais on, y a, on est grave de Normandie aussi. Individuel. Ok. C'est Dominique Alain. Dominique Alain. Collège individuel. C'est normal. Il n'y a pas de tiret sur les Macs. Il y a une petite faiblesse. Pas de tiret sur les Macs. Voilà. Alors, il y a des absents. Hein. Des absents. Alors, s'ils sont absents, s'ils sont absents, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Serge, je te déplace dans l'individuel. Ok. Pomme X, non? Contrôle X. Faut faire attention, parce qu'il y a une fois qu'on est placé. Pomme X. Il n'y a plus de pommes sur les bacs. Pomme, c'est comme on dit. Commande. Commande. C'est Apple d'abord. Ah ouais, c'est bon. Commande. Ok. 5, 8, 11. Oui, mais dans le collège. Il y a un risque de Dieu, il y a un rang individuel aussi. Non, mais pas individuel. Non, mais Émilie, tu. Ah oui, la ligue. Oui. Où est-ce que je mets ligue? Ici? Ouais, parce qu'il y a deux adhésions. Oui, il y a deux adhésions. Non, c'est une. Bon. D'ailleurs, la Ligue et le Radio APP vont avoir le trésorier. Ah, on a payé. Vous avez envoyé des chèques. Si, si, on avait. Vous avez envoyé des chèques alors que c'était écrit. Ah, il fallait pas. Que par virement. Donc, j'ai encaissé les chèques. On va refaire un virement. Moi, je ne sais pas quoi faire de vos chèques. Tu les as pas là? Sur moi, je suis RG. Confiance et sécurité. Alors, est-ce qu'on peut valider quelque chose? Je vous avoue que j'ai soif. C'est pas bon, mais. C'est pas bon, c'est d'accord. Oui. Il y a trop de fondateurs. Il y a trop de fondateurs. Il y a trop de fondateurs, ouais. Pour ce qui nous concerne, je voudrais que ce soit la société. Donc, si on enlève Julien, on est bien là. Et là, article 1. Oui, mais ça, c'est ceux qui se présentent. Eh oui, bah oui, s'il y en a 5, il faut les partager. Hein. Eh bien, on peut enlever le draft de Normandie, comme ça, ça va aller vite. Ah. D'ailleurs, quand tu mets collège des fondateurs, est-ce que c'est nécessairement des individus? Non, c'est au nom de l'institution. Là, c'est au nom de l'institution. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça bascule de l'un à l'autre. Mais il faut quand même laisser du monde dans le collège. Ben, ils sont là. Voilà. Comme d'avenir. C'est l'île 37, là. L'île 37. C'est quoi l'île? Ouais, mais c'est l'île 37. Ouais. C'est quoi l'île? Ils ont beaucoup de numéros après l'île. Alors, APP. Je vous embête. François. Danique des marques. Je comprends, c'est une autre communauté, ça. Grégory Axad. Final Fantasy, il a dit. Ok. Donc ça fait 12. Et donc, dans le collège organisationnel, il faudra un représentant. On vous laisse, par exemple, l'Université de Caen. Il faut mettre un nom en face. D'accord. Ok. On rajoute, ça sera. On rajoutera les autres noms après. Vous avez toujours un trop dans les... Mais parce qu'on fumait le président. Le président. Bien vu. Et donc la commune, c'est la présidente. Le président, la présidente. Le président. Ok. La Ligue. La Ligue, moi, c'est moi. C'est moi. Tu vas mettre président. C'est moi. La Ligue, c'est moi. C'est bien la Ligue. On connaît bien la Ligue. D'ailleurs, nous savons. Non, c'est parce qu'il y a un expert de l'administration qui désigne pour être aussi représentant national. Mais président. Ah, tu sais, on a organisé. Pierre Fitoa. Président. Allez. Pomme S. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est comme une forme d'élection là, parce que vous... Mais on est toujours un trop dans le. Non, parce qu'on est fondateur, il y en a un trop. On est très ça. Ah, zut. Il y a Mathieu Muselet, non? Ah non, il y a titre. Ben non, si on le met dans la Ligue, comme ça, c'est. Ligue 37. On va pas mettre la Ligue à deux endroits, comme ça. Elle est en double, vous pouvez mettre la Ligue. Non, mais tu peux quand même faire la Ligue. Ah, je sais. Non, mais c'est faux. Il n'y a pas de problème. On est modifié à deux endroits. Bon, alors, tu mets. Quand il n'est plus président, tu mets Mathieu. Voilà, Mathieu. Le président Mathieu. Voilà, le président Mathieu. On est d'accord que. Il y a les présidents, sauf la Ligue, ils ont Mathieu Muselet. Philippe, oui. C'est la PAP, hein, c'est pas APP, du coup, oui, on est au titre des APP. Et du coup, je suis aussi dit, en fait, c'est Yves, hein, qui est, et moi, ce serait plus par délégation. Il est Vernon. Ah oui. Donc, on serait plutôt Yves, ici. C'est Yves Vernon et c'est la PAP. C'est le président. Yves. Il faut mettre le président. Ah oui, le président. Là, c'est pas bien écrit. C'est APP. APA, PT. Voilà. Sans apostrophe, L apostrophe. C'est bon, là hein. L apostrophe n'a pas de sens. C'est l'apostrophe. Voilà, on sort. J'ai fait une connerie. Si, pour tirer le L. Tirer le L. Parfait. Voilà. Parfait. Ok. Nickel. On valide. On est bon. On vous applaudit. Oh. Les membres qui sont élus par les membres du bureau, les autres. Alors, les vice-présidents, est-ce que ça, c'est le conseil d'administration qui décide? Oui. Oui. Ouais. Parce que ça, on l'avait énoncé déjà, donc il faut qu'on en parle rapidement. La vice-présidence, c'était quoi le but de la vice-présidence? C'était de pouvoir, dans un grand domaine, on avait dit représenter l'association Reconnaître. On avait parlé de économie sociale solidaire, éducation populaire, enseignement supérieur, profession agricole, tiers lieux. Donc, ça permettait de pouvoir, donc, lorsque Serge ne peut pas être partout. Attends, je ne suis pas encore président. Oui, mais je suis pas confiable, c'est quand même. Donc, on avait. Je suis parti de l'Astérix, en fait. On avait étudié ça. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir. Est-ce que vous pensez que c'est. Oui, il faut le faire maintenant. On fait des propositions pour la vice-présidence et c'est le conseil d'administration qui valide ou non. Hein, c'est ça. Ça pose des noms pour les vice-présidents. C'est peut-être à la prochaine réunion de CA, à la réunion de CA, que ça peut être défini. La prochaine réunion de CA. On va pouvoir définir une réunion de CA. Oui. D'accord. Ok. Donc, là, on est en oui. Ouais, c'est notre configuration. Ça marche. Par contre, là, on peut parler du bureau, non? Ah, c'est bien. Pareil. C'est bien ça. C'est tout très simple. La suite de l'ordre du jour. Allez, la suite de l'ordre du jour. Vous pouvez faire le CA en cours. Voilà. Non, après le coup, alors. Comité scientifique. Voilà. Ça, ça fait longtemps qu'on en parle. Oui. C'est pareil, est-ce que c'est fait partie de l'ordre du prochain ordre du jour? Non. On peut quand même en parler de façon informelle. Ce comité scientifique, c'est pareil, c'est pour donner de la visibilité. Et puis, avoir une question scientifique. Pour nos projets, nos actions, accompagner des financements aussi, pourquoi pas. Non, ça j'ai bien lu le comité scientifique, c'était des personnalités extérieures, des personnes extérieures, pas forcément des personnalités. Ça, c'est-à-dire que les membres des collèges vont à la pêche Oui, je pense que c'est comme ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait des propositions pour le comité scientifique et puis on le soumet à l'approbation, je suppose, du conseil d'administration. Quelqu'un a déjà des comités scientifiques dans ses assos? Grégory? Notre asso, oui. Ouais. Je pense que ce serait très intéressant dans le conseil d'administration de définir deux ou trois membres qui soient par référent pour recevoir les candidatures, pour recevoir les questions de comité scientifique. Vous avez déjà une proposition Eric, oui. Sauf qu'il ne faut pas rester trop longtemps. Ouais. Je crois que Eric Chevel est d'accord pour faire partie de cette session. Comité scientifique, oui. D'accord. Donc on va juste noter quelques noms comme ça. S'il y a des personnes déjà dans la salle qui sont intéressées, on peut déjà les noter, ça sera fait. La question, c'est comment on les recommande et comment on les valide. Alors, comment peut-être dans le comité scientifique et dans le collège, dans l'ordre des collèges. Et du coup, comité scientifique, on peut avoir le droit de vote. Non, comité scientifique, il n'y a pas le droit de vote. Non, mais attends, j'ai une remarque qui a été faite par Caroline sur la parité. Je pense que c'est important que. Le président d'association, vous imaginez que la délégation se fasse à quelqu'un qui assure la parité. Une parité dans la représentation. Vous me faites honneur, mais on pense tout le temps toujours à la même aussi, mais je pense que c'est l'occasion de penser un peu en dehors du cadre, de faire monter les gens. Oui. C'est pas que de l'inanimité à l'association, c'est que je chercheuse. Peut-être, je pense à chercheuse. Une proposition Serge? Oui, pardon. Non. sur le conseil scientifique. Sur le conseil scientifique, ça dépend quel est l'objectif, mais enfin, si on... En tout cas, au prix, on s'est parlé ce matin, ce qui était vraiment important pour la reconnaissance, pour conférer la reconnaissance et la légitimité, ça nous a énormément aidé, ça nous aide toujours d'avoir un conseil scientifique de très grande qualité, international, extérieur à toutes les petites aventures qu'on peut en faire. Je ne sais pas si c'est important de le faire ici, mais il me semble que c'est aussi l'occasion de mettre à plat les activités et de se faire challenger et recommander par des gens qui peuvent apporter énormément. Donc, pour éviter des effets de focus, on ne peut certainement pas avoir, ça peut être intéressant, au moins en partie, d'avoir des gens de qualité, de stature, qui soient intéressés, pas nécessairement anglophones, mais germanophones. Là aussi, ça veut dire qu'on a besoin d'un budget, parce que si on a une qualité sur le coup, on peut l'obtenir pour pouvoir leur aider le voyage, etc. Donc, il faut parler de budget. Ils peuvent venir dans des pics, ça peut être aussi. Et la distance et la partie. Donc, je pense que le CRI peut nous aider. Puis aussi, être interdisciplinaire, parce que sur la reconnaissance, elle est importante, c'est la sociologie, c'est plus. Sur du cerveau, accessoirement. Très bien. Donc, c'est un document partagé. La question se posait, c'est qui, lorsqu'il y a des candidatures qui sont apportées, qui valide ça à poser la question, le CA, on fait un vote s'il faut se faire. Et puis, vous êtes d'accord là-dessus ? Il y a une liste qui est proposée. On prend une liste et puis on peut barrer liste, les noms. Comme, Peut-être qu'on peut mettre Dominique est responsable de proposer une liste, pour travailler pour proposer une liste. Pour travailler. Et si elle est proposée, c'est une façon de mériter la présence. Tu vas te mettre dans la liste que si tu veux une liste. Absolument. J'ai d'autres atouts, moi, en tant que parent. Si tu n'as pas fait une liste, tu n'es pas à place dans une liste. Il y a un conflit d'intérêt ? Voilà, il faut les lire tout de suite. Tu crées une liste. On les lit tout de suite. Ah non, mais on verra s'il y a des conflits d'intérêt après. Ça dépend la participation et le soutien que tu as peut-être reconnaître. Absolument. C'est-à-dire c'est une grande somme, non ? Au moment du moment que 100 euros, c'est compte qu'à eux. Et pour revenir à la proposition précédente sur l'utilisation de ça, on met sur place un groupe de travail pour participer à l'utilisation. Tu voulais justifier pourquoi je t'ai aidé comme Oui, bien sûr, avec plaisir. Parce que tu peux même te présenter un peu, parce que tout le monde ne te connaît pas dans l'association. Alors, je m'appelle Dominique Alain-Jean. Donc, je suis dans la communauté, en fait, épique depuis un certain temps. Avec Serge, on avait écumé Londres pendant quelques années au début des Open Badge. Et c'est le professeur Odila qui a nous présenter l'Open Badge à Epic. Et c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Le problème, c'est que j'avais commencé mon doctorat sur les e-portfolios à Epic aussi, justement, c'était à cette époque-là. Le doctorat que j'ai mené à bien maintenant, doctorat qui a reçu un prix le 5 octobre cette année, qui a reçu un award pour la Best Pages in Education and Technology. Surgeon Daniel. Surgeon Daniel, ouais. Et en fait, dans mes activités de formateur et de lecture, je travaille pour l'Open University. J'ai une activité sur le sol UK, où j'habite en temps partiel. Je suis d'origine suisse allemande, donc je parle aussi l'allemand et l'italien. Le fait, c'est que je parcours pas mal le monde et mon idée est de faire partie à la fois du comité ici et du comité scientifique, c'est de pouvoir donner cette option sur le monde que je peux offrir par différentes activités à l'étranger et aussi sur le territoire français. Voilà, donc je laisse aussi parcourir mon profil sur, Google et vous aurez aussi l'occasion de parler avec moi pendant les quelques jours d'ici 2018. Merci Dominique. Il est 7 heures, il faut qu'on quitte les locaux, on s'est engagé à ça. Donc, je vous propose de continuer lors d'une prochaine réunion en ligne ou sur notre espace collaboratif Lumio pour ce qui est question des actions 2019. On peut faire un CA demain aussi. On peut faire un CA demain. Alors, on n'avait pas prévu et demain, il y a un social dinner avec des huîtres. Il n'y a pas d'huîtres, il n'y a que du champagne. Pardon. Donc son café rec est au 1 pour vous savoir, c'est juste sur la base de la scène. Si tu veux faire ça, allons maintenant. Pour le conseil d'administration élu, on peut faire un conseil d'administration autour d'une assiette demain si les conditions sont réunies, si vous êtes là. Pour avancer, on se met un petit peu à l'écart. Je ne sais pas si c'est le midi ou si c'est plutôt le soir. Le midi. Si les conditions sont réunies, j'ai juste à lire le bureau. Merci à tous. Et donc, on se donne rendez-vous au café Le Rey. C'est bien le. Dans une demi-heure. Café Le Rey. Non, c'est tout de suite. Non, mais c'est pourquoi que je vais tout de suite comme ça on attend. Alors, c'est, je crois que c'est place de la Bastille. On a un but. C'est que Sachin qui avait répondu au Doodle. Hein. Et qui sont à jour de la cotisation. Ah, bah oui. C'est la longue. Ok, oui, avec sa président là, parce que les verticaux ne sont pas encore au feu. Wouh! Allez, bonne journée. Je ne pas être Tout le monde a l'écoute des badgers. Je fais un enregistrement.